Nacho. Oh, c'est quoi le truc que tu as fait là, le roumain? Oh, là, tu leur as mis une frappe de loin et bim, dans le front. Celle-là, l'ont bien mérité. Oh, tu es un génie, tu es un monstre. C'est ça que je te reproche. Ahlélélé, de Marrakech à Saint-Tropez. Et bim! Oh, l'Alger. Oh, deux minutes, laisse-moi te parler. Deux minutes, s'il te plaît. Deux minutes, hein. Ouais, bien fait une intro pour ton nouveau clip là. Un truc de fou on va faire. Oh, depuis les princes de la ville, et bim, que des plans de fou, frère. Laisse tomber la famille, les gens ils en ont marre des intros. Occupe-toi d'aller chercher le matos et khalas. Je suis charmant ma chérie, je suis un très bon parti, je l'ai fait tout rêver, elle veut tout faire, le halal et la mairie, dans ma tête c'est l'Amérique, lève-toi quand j'atterris, hey digue digue digue, je vais te faire danser comme un chawi, hey digue digue digue, yadileli, hey digue digue digue, tiafibeli, hey digue digue digue, yadileli, hey digue digue digue, tiafibeli, hey digue digue digue, yadileli, hey digue digue digue, tiafibeli, hey digue digue digue, yadileli, hey digue. Lamborghini Aston, j'ai acheté une mignonne, ta love tu la cartonnes. Dis au revoir à ta caution, Roya c'est pour ta bombe. Hey wah, what's your life baby baby? Habit flexi flexi, willy willy, happy fini, shifty wish, hippie la fili. J'suis posé en kabili, j'veux faire des mini mini, willy willy, easy easy, j'te fais danser. Hey diggy diggy, hey diggy.